Ah non, pas le petit poney. Pas le poney. Voilà, David. Je date. Quoi ? Déjà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est comme ça qu'on dit. Thank you. We'll be right back. Thank you. Marco. Go on. Vas-y, joue. Cool. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est...